tu oses, venge-toi, punis-moi d'avoir charmé ta fidèle Clarisse. Je rougis de mon injustice. Mon cœur a-t-il pu vous trahir? Ah, c'est à vous de me punir. Oui, je vous ai fait une offense qui me rend indigne toujours. N'écoutez que votre vengeance. Je t'écoute. Et je veux suivre à jamais votre loi.